Innocent Bibonimana sur la mise en onde, il est midi 57 à Bujumbura et 11h57 à Bamako, à Mali. Bonjour amis auditeurs et auditrices et bienvenue à cette édition dont voici d'abord l'essentiel. À la une des médias africains internationaux, c'est ce coup d'état contre le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, un président qui a annoncé sa démission mais qui reste jusqu'à maintenant sous surveillance militaire. L'on vous parlera également dans cette édition de cette composition d'une commission belge qui a été mise en place pour enquêter sur le passé colonial de ce pays européen. Un Burundais figure parmi les membres, vous l'entendrez. Et à la fin de cette édition, on va vous parler des sanctions contre les auteurs de messages de haine. C'est dans la rubrique « Parle, rassure-moi ». Voilà pour l'essentiel. La radio de l'avenir. Rebonjour. Le prix de haricots a connu une enchère variant entre 500 et 700 francs burundais depuis deux mois. Au marché de la ville de Ruyigi, ceux qui s'approvisionnent à ce marché s'inquiètent de leur pouvoir d'achat dans les prochains jours. Si le rythme de hausse et de prix de ce produit se maintient, à la direction provinciale chargée de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage, elle en fait savoir que la production obtenue à la saison culturelle B était suffisante et que la demande de ce produit a augmenté. Jean-Claude Chimilimana, correspondance. Depuis le début de ce mois d'août, le haricot non sélectionné est acheté à un prix variant entre 1200 et 1300 francs par kilo au marché de la ville de Ruyigi, au moment où son prix variait entre 600 et 700 francs lors de la récolte au début du mois de juin dernier. Le prix du haricot sélectionné oscille entre 1400 et 1700 francs le kilo selon la qualité, alors que le haricot dit qui nous l'est beaucoup plus apprécié était acheté à 900 francs le kilo lors de la récolte de juin dernier. Certains de ceux qui s'approvisionnaient à ce marché font savoir que c'est la première fois qu'ils observent une enchère du haricot variant entre 500 et 700 francs dans un délai de deux mois seulement à partir de la récolte de juin. Leur pouvoir d'achat sera de plus en plus faible dans les jours à venir si cette allure de hausse et du prix du haricot se maintient, disaient-ils. De leur côté, certains vendeurs du haricot disent qu'ils s'approvisionnaient à des prix élevés auprès de ceux qui ont constitué des stocks lors de la récolte de juin, faute de produits directement mis au marché par les cultivateurs. Renova Simuzeye, directeur provincial chargé de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage, fait savoir que la production du haricot obtenue cette année était satisfaisante et explique cette hausse de prix inquiétante par une probable augmentation de la demande. À cet effet, il conseille les cultivateurs à ne pas se laisser attirer par le prix du marché pour préserver les semences et à exploiter convenablement les marais afin d'avoir de quoi survivre après qu'ils auraient épuisé la récolte du mois de juin. Jean-Claude Nshimirimana, Ruyigi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Claude Nshimirimana. De l'est du pays, revenons à l'ouest où les habitants de la colline Gahoma de la commune Mabayim, là nous sommes en province Chibitoke, dont leurs terres ont été occupées par la société d'extraction de l'or, demandent qu'ils soient indemnisés. Le chargé de l'administration dans cette société avance que le retard a été dû au personnel en confinement dans leur pays d'origine suite au coronavirus, expliquant qu'ils étaient partis en vacances. Le gouverneur de la province de Chibitoke demande aux responsables de la société Tanganyika Mining de résoudre ce problème dans les meilleurs délais. Alexis Ndairekeje. Ces habitants de la colline Gahoma de la commune Mabayi réclament plus de 360 millions de francs burundais à la société Tanganyika Mining. Cette somme représentant les indemnités sur les terres que cette société exploite dans l'extraction de l'or. Ces habitants de Gahoma, certains disent qu'ils viennent de passer plus d'une année, d'autres plus de deux ans, en attente de ces indemnités. Ils demandent à la société Tanganyika Mining de leur octroyer ces indemnités afin de pouvoir acheter d'autres terres ou les peuvent habiter ou cultiver. Le chargé de l'administration dans la société Tanganyika Mining, Isaac Ndaishimiye, indique que ce retard a été dû au problème de confinement de certains techniciens qui étaient en vacances. Isaac Ndaishimiye tranquillise qu'aussitôt que les frontières seront réouvertes, que cette situation sera débloquée. Le gouverneur de la province Chibitoke, Karim Bizoza, demande aux responsables de la société Tanganyika Mining de régulariser en indemnité ses habitants de Gahoma dans les meilleurs délais. Depuis Gahoma, de la commune Mabayi, Alexis Ndairagije, Radio Isanganiro. Merci Alexis Ndairagije. Page santé à présent, plus de 17 000 personnes ont été dépistées de COVID-19 depuis le début de la campagne lancée il y a un mois et demi. Parmi ces personnes dépistées, plus de 400 se sont révélées positives et plus de 300 sont guéries. Et d'autres sont sous traitement, annonce du ministre de la Santé publique ce mardi après une réunion avec le comité de crise de COVID-19. Docteur Tadendi Komana se dit satisfait de ce bilan de lutte contre cette pandémie. Je vous propose de l'écouter. C'est vraiment satisfaisant parce que et nous avons déjà dépisté depuis le début de la campagne 17 533 personnes. Au total, avec ce qui avait été dépisté auparavant, nous avons atteint déjà 20 149 personnes dépistées. Et parmi ces personnes, nous avons 416 cas positifs, mais 339 sont déjà guéris. Il reste 76 personnes qui sont sous traitement, qui sont en bon état. Et donc, si on observe les statistiques de la semaine passée, nous avons vu que les cas de positivité diminuent au fil du temps parce que sur un dépistage de plus de 2500 personnes la semaine passée, nous avons eu 3 cas positifs, mais malheureusement, nous avons vu que les passagers qui sont venus de l'extérieur, il y avait encore 2 cas positifs, ce qui fait un nombre de 5 et ce qui montre qu'à l'intérieur du pays, nous sommes dans la bonne voie pour éradiquer le coronavirus, ce qui fait qu'on doit renforcer aussi la surveillance au niveau des frontières pour qu'on puisse protéger la population. Et tous les passagers entrant au Burundi par voie aérienne doivent subir une mise en quarantaine, même s'ils peuvent détenir des certificats de COVID négatifs pour éviter la propagation de cette pandémie. Une précision du ministre également de la Santé, Tade Nikumana, que je propose encore une fois d'écouter. En ce moment où on voit que les pays voisins ou les pays qui ont des relations avec le Burundi commencent à ouvrir les aéroports, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau du pays? Nous avons donné des suggestions à la haute autorité, mais d'ores et déjà pour les vols humanitaires, nous avons proposé à ce que les passagers puissent observer une quarantaine de 72 heures et parce que nous allons faire un dépistage systématique à tous les passagers, même s'ils ont des certificats COVID négatifs. Parce que dernièrement, nous avons vu que les passagers qui sont venus avec l'Éthiopienne, nous avons vu que malgré les certificats COVID négatifs, il y avait 2 cas positifs, ce qui montre qu'il peut y avoir des cas, même si en cours de voyage, qui sont contaminés. Et alors, si on trouve que des passagers qui étaient dans un même avion, il y a 1 ou 2 cas positifs, tous les passagers vont observer une quarantaine de 14 jours pour permettre d'observer s'il n'y a pas l'un ou l'autre qui a été contaminé au cours du voyage. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. En page politique à présent, c'est le président malien Ibrahim Aboubakar Keïta, je vous le disais tout à l'heure, qui a annoncé sa démission. Et la dissolution du gouvernement et celle de l'Assemblée nationale à la télévision nationale de ce pays, c'était dans la nuit de ce mardi, une annonce qui survient après son arrestation par des militaires putschistes en révolte. Toutefois, ce renversement suscite l'unanimité des condamnations de la part de la communauté internationale. Jean de Dieu. Le président Ibrahim Boubacar Keïta est apparu à la télévision nationale malienne dans la nuit de mardi à mercredi après avoir été arrêté par des militaires en révolte et annonçant sa démission, la dissolution du gouvernement et celle du Parlement. Le porte-parole du Comité national de salut public qui a pris le pouvoir à Bamako a annoncé la fermeture de toutes les frontières terrestres et aériennes jusqu'à nouvel ordre. Dans la nuit à la télévision malienne, il précise encore que tous les accords internationaux seront bien respectés et que des forces tels que la MINUSCA, Force de l'ONU ou encore Barkhane, demeurent des partenaires pour la restauration de la stabilité. Après le putsch, les militaires au pouvoir ont annoncé des élections dans un délai raisonnable. Ce renversement suscite l'unanimité des condamnations de la part de la communauté internationale. Après ce coup de force dans la soirée avant l'annonce par le président Keïta de sa démission, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a condamné le renversement du président malien Ibrahim Boubacar Keïta et de son premier ministre par des militaires putschistes, exigeant leur libération et annonçant des mesures immédiates dont la fermeture des frontières ainsi que l'arrêt de tous les flux et transactions économiques, commerciales et financières, ainsi que la suspension du Mali de toutes les instances dirigeantes de la CEDEAO jusqu'au retour de l'ordre constitutionnel. Une vision conférence des chefs d'État de la CEDEAO sur la situation au Mali est prévue ce jeudi sous la présidence du président du Niger, Mahamadou Issoufou. Plus tôt, l'institution régionale avait demandé dans l'après-midi aux hommes militaires de regagner leurs casernes. Avant l'annonce de la démission du président malien, l'Union africaine, par la voix du président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahama, avait également condamné énergiquement l'arrestation d'Ibrahim Boubacar Keïta. Peter Pham, l'émissaire américain pour le Sahel, s'est opposé dans un message publié sur Twitter à tout changement de gouvernement extra-constitutionnel, que ce soit dans la rue ou par les forces de défense et de sécurité. De son côté, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Joseph Borrell, a condamné la tentative de coup d'État en cours au Mali. Une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU doit par ailleurs avoir lieu ce mercredi sur le sujet. Enfin, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à la libération immédiate et sans condition du président malien Ibrahim Boubacar Keïta, arrêté par des militaires en révolte. Jean de Dieu Irakoze, la commission chargée d'enquête sur le passé colonial belge au Burundi, au Rwanda et en RDC est composé de 17 membres selon la résolution qu'il institue. Elle établira un rapport sur ses missions. Au plus tard, dans les 12 mois, le Burundi, Monseigneur Jean-Louis Nahimanaï, fait partie de cette commission. Les détails avec Aimé Richard Niongourou. Cette commission spéciale est censée analyser et étudier le passé colonial belge en République démocratique du Congo, mais aussi au Rwanda et au Burundi, pour en tirer les leçons ainsi qu'analyser si certaines réparations et excuses sont nécessaires. Elle établira un rapport sur ces missions dont les conclusions et les recommandations seront mises aux voix à l'issue d'un débat en séance plénière au plus tard dans les 12 mois de l'institution de la commission. Ce délai peut être prolongé après une évaluation intermédiaire. Le premier rapport est attendu pour le mois d'octobre 2020, c'est-à-dire d'ici 2 mois et demi. Les scientifiques craignent que la tâche soit impossible en un temps si court, avec un travail qui demande à être précisé. La commission d'enquête parlementaire doit, si elle désire, faire appel aux historiens, définir préalablement des questions précises pour que les historiens, de manière collégiale, puissent y répondre de manière précise. Selon le journal Le Soir, c'est un travail préparatoire qui sera effectué pendant l'été par ces experts qui sont composés en général par des professeurs d'université. Des inquiétudes ne manquent aussi face à cette commission. Le Parlement rwandais a fait part à son homologue belge de ses inquiétudes face à une décision récente des autorités belges de nommer Laura Ouassé comme membre d'une commission parlementaire spéciale belge chargée d'enquêter sur le passé colonial au Rwanda, alors qu'elle est bien connue pour avoir nié le génocide contre les Tutsis de 1994. Nous le lisons dans un communiqué publié le 10 août courant par le Parlement national du Rwanda. Les membres de cette commission sont désignés par la Chambre des représentants parmi ses membres dans le respect des règles de représentation proportionnelle des groupes politiques. Les autres groupes politiques peuvent chacun désigner un membre qui participera sans droit de vote aux travaux de la commission spéciale. Dans le cadre de la mission de réconciliation, il est demandé aux experts d'associer à leurs travaux les différents acteurs sociaux concernés, dont la société civile et la diaspora. La liste de ces associations sera communiquée à la commission. Dans le premier rapport, les experts proposeront, en concertation avec ces acteurs, une méthodologie pour la suite des travaux de la commission sur la question de la réconciliation. Merci, Aimé Richard Niongourou. Le reste de l'actualité en bref, avant de passer à la chronique par Rassure Moi, l'état des lieux de la sensibilisation des éleveurs sur la mise en application de la loi sur la stabulation permanente est satisfaisant. Propos du directeur général de l'élevage au sein du ministère de l'Environnement, agriculture et élevage lors d'une conférence de presse de ce mardi. Serge Nkurunziza a dit que ces éleveurs ont compris l'avantage de la stabilisation. La loi relative a été adoptée par l'Assemblée nationale du Burundi le 16 août 2018 et sa mise en exécution est prévue en 2021. Des centres d'enseignement professionnel au niveau régional à régime d'internat vont être construits au Burundi pour permettre aux jeunes d'apprendre des métiers ou même aux adultes de se reconvertir professionnellement. Neymanda Ishimiye, directeur du bureau de la planification des statistiques et de l'éducation, qui le dit lors des états généraux de l'éducation ce mardi en province et Lomongue, réagit aux préoccupations de certains parmi les participants dans cette réunion sur l'avenir incertain des élèves ayant échoué au concours national. Parle, rassure-moi. La loi burundaise a prévu des sanctions contre ceux qui diffusent les messages ou des discours de haine. Dans le code pénal burundais, l'infraction prévue est la version raciale, selon maître Fabien Segatois. Comme ces discours peuvent aboutir à des crimes de masse, le code pénal burundais a intégré des infractions comme le crime de génocide et le crime contre l'humanité au Ban Nyunguru. Le code pénal burundais sanctionne les personnes qui diffusent des messages de haine. Maître Fabien Segatois explique que le code pénal prévoit l'infraction d'aversion raciale, mais aussi des crimes internationaux qui peuvent se commettre sur base de ces messages. C'est un concept en fait d'injure, mais avec une connotation de haine raciale, de haine ethnique. Et cela est puni par la loi nationale et par la loi internationale. La loi internationale, en fait, a été intégrée dans le code pénal burundais sous le vocable de génocide, de crime contre l'humanité et de crime de guerre. Pour le crime d'aversion raciale, le code pénal sanctionne l'auteur d'une peine allant de 6 mois à 2 ans de servitude pénale. Mais en cas de génocide, les auteurs peuvent encourir la peine d'emprisonnement à perpétuité. C'est une petite peine, c'est comme si on avait fait un accident de circulation par un acte non intentionnel. Alors que justement, encourager la haine raciale, c'est une intention malveillante pour saper la société. Maître Segatois indique que le ministère public ainsi que les officiers de police judiciaire doivent faire valoir les dispositions y relatives. Nous avons les institutions liées à la police, il y a les parquets, et ceux-là sont chargés justement de rechercher ceux qui ont commis les infractions. Le parquet également est chargé d'instruire. Et une fois qu'ils ont les preuves, soit ils recourent à l'Interpol pour justement traquer ces gens qui se cachent derrière la technologie pour injecter le venin de la haine. Ce juriste indique que le ministère public peut même s'autosaisir lorsque ces messages sont propagés. Il est vrai que dans le temps, lorsque les injures se faisaient, on demandait à ce qu'il y ait une plainte avant que le pouvoir public ne puisse s'en saisir. Mais aujourd'hui, ce concept d'injure de face à face a évolué. Nous sommes dans la technologie où quelqu'un vous injurie en mettant les injures sur les réseaux sociaux. Et c'est plus grave parce que c'est plutôt le monde entier qui est en train d'être témoin de ces injures. Parce que l'injure, c'est quoi ? C'est l'injure publique. Or, il n'y a rien de public que les réseaux sociaux. Donc, en d'autres mots, le pouvoir public devait plutôt se saisir sans que vraiment il y ait une plainte, parce que généralement, on ne sait même pas qui a mis ces injures sur les réseaux sociaux. À travers des conventions internationales, ce juriste dit que tous les pays doivent collaborer pour sanctionner les cybercriminalités, vu que de tels discours se transmettent surtout sur les réseaux sociaux. Merci Oban Nyonghura. 13h15 et c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Elie Nibel Nibigila, j'étais à sa présentation. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Au revoir.